Difficile de savoir ce que l'on veut faire plus tard lorsque l'on est au collège ou au lycée. J'aimais pas du tout l'école, c'était pas mon truc. Mais on oublie souvent que la vie est faite de choix, de décisions qui vous marquent. Je décide de partir en Australie. Il y a des opales, des saphirs, il doit bien y avoir un peu de métier pour moi. Et qui vous construisent. Quand on a quelque chose en tête, il faut aller au bout. Retrouvez ces parcours exceptionnels en podcast sur toutes les plateformes de streaming et découvrez tous les métiers de la joaillerie sur le site demainsenmain.vanclefarpels.com. 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Faut-il relever tous les défis? Probablement pas. Toutefois, celui que nous proposait France Culture était tout à la fois beau et difficile. Nous nous y sommes donc plongés corps et âme pour entreprendre ce soir, chères auditrices, chers auditeurs, un Marcel Proust et l'archéologie. Je savais bien que Proust fréquentait un petit temple grec caché entre les rues Jacob et Visconti, le temple de l'amitié, haut lieu littéraire du début du siècle, mais cela ne suffisait pas. J'ai donc dévoré les BSAMP, les bulletins de la Société des Amis de Marcel Proust, tentant d'y faire de l'archéologie, recherchant surtout des Proustiens adeptes de la fouille et des archéologues proustiens, pour enfin, ce soir, avoir le grand plaisir d'être en face de Nathalie Mauriac. Bonsoir. Bonsoir Vincent Charpentier. Directrice de recherche au CNRS, vous avez la responsabilité de l'équipe Proust de l'Institut des textes et des manuscrits modernes, laboratoire CNRS et École normale supérieure, comme d'ailleurs de la rédaction du bulletin d'information proustienne. Précisons brièvement que vous êtes l'arrière-petite-fille du docteur Robert Proust, frère de Marcel, et par ailleurs petite-fille de François Mauriac. Suite à notre longue discussion, vous êtes lancé dans une véritable fouille et m'avez adressé un document exceptionnel. Nous y revenons dans un instant. Dans ma pérégrination archéologico-proustienne, je me suis parallèlement rendu dans la chambre de Marcel Proust pour savoir, à l'image de Sigmund Freud, si une archéologie de l'objet proustien était envisageable. J'ai enfin rencontré Alain Schnapp, archéologue et ancien directeur de l'INHA. Nous le retrouvons tout à l'heure. Mais tout d'abord, Nathalie Mauriac, merci encore pour ce document d'exception. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Pendant bien des années, le soir, quand je venais de me coucher, je lisais une, quelques pages, d'un traité d'archéologie monumentale qui était à côté de mon lit. Nathalie Mauriac, où avez-vous trouvé cette merveille? Eh bien, forcément, à la Bibliothèque nationale. Dans les manuscrits de Marcel Proust, qui sont tous numérisés, ce sont les placards corrigés du côté de chez Swann. Et donc, ce sont des placards que Proust a corrigés en mars 1913. Et c'est une correction qui sera en deux couches, puisque la première version, c'est qu'il lit ce traité d'archéologie monumentale, mais ça devient ensuite simplement un traité d'archéologie. Puis finalement, ça disparaît tout à fait pour être remplacé simplement par un livre. Alors on peut s'interroger évidemment sur cette présence et puis cet effacement. Alors ce qui est exceptionnel pour nous, c'est que cette phrase est dans l'incipit. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est un incipit? Alors l'incipit, bien sûr, c'est la première phrase d'un roman, d'un ouvrage. Et bien sûr, Proust a eu beaucoup de mal à trouver son incipit, la toute première phrase. Longtemps, je me suis couché de bonheur, il lui a fallu des années pour la trouver et la mettre au point. Mais la présence de l'archéologie, la présence possible de l'archéologie là, tout de suite, vraiment dans le cœur de l'incipit, c'est quelque chose qui était presque un manifesto, je dirais. Et on peut se demander pourquoi il l'a enlevé. C'était peut-être trop présent, trop puissant. Alors, est-ce qu'il fallait cacher quelque chose? Peut-être. En tout cas, donc, pour synthétiser, l'archéologie a failli être mentionnée dans la première page du premier livre de la série À la recherche du temps perdu. C'est absolument invraisemblable. Pour autant, pensez-vous que Marcel Proust ait pu s'intéresser à cette discipline? Il n'y a aucun doute qu'il s'y est beaucoup intéressé. Il y a même une lettre de 1905 où il dit qu'il a été intoxiqué par Ruskin, et il ajoute, et par l'archéologie aussi. Donc, c'est un aveu évident. Dans La recherche du temps perdu, il y a beaucoup d'allusions aux découvertes archéologiques du temps. Et en fait, dès 1907, Proust écrit dans un grand article pour Le Figaro un long commentaire du petit livre de Gaston Maspero, Les lectures historiques rédigées pour la classe de 6e, Histoire ancienne, Égypte, Assyrie. Il en fait un long commentaire, tellement long que Le Figaro le coupe. Mais il va en garder l'essentiel dans La recherche du temps perdu. Et l'essentiel, c'est cette idée qui est très intéressante pour la réflexion sur l'archéologie qu'il conduit, qui est la frivolité d'une époque, quand 10 siècles ont passé sur elle, est digne de la plus grave érudition. C'est donc le temps qui rend à la frivolité que les savants méprisent leur dignité. Donc Proust s'est beaucoup intéressé à l'archéologie. Il a été très en faveur des restaurations à la suite de Ruskin. Et puis il a complètement changé son fusil d'épaule. Et maintenant, ce sont les personnages à l'opinion desquels il n'adhère pas qui sont en faveur, contre les restaurations. Tandis que Proust, lui, considère que ce qui compte, c'est la lumière qui baigne l'élément architectural. Il a aussi lu la vulgarisation, un petit livre sur Pompéi, dans la collection des villes d'art célèbres de l'éditeur Laurence. Donc Pompéi est présent, la frivolité d'une époque est digne de la plus grave érudition, surtout si elle a été conservée intacte par une éruption volcanique ou des matières analogues à la lave projetées par des bombardements. C'est-à-dire que Proust imagine que la guerre va produire, pour les archéologues du futur, un nouveau Pompéi dans lequel on découvrira des inscriptions aussi compromettantes que le Sodoma Gomorra qu'on a trouvé à Pompéi. Les archives de Marcel Proust mentionnent plusieurs fois les archéologues, donc. En tant que gens de savoir, il ne semble pas visiblement beaucoup les apprécier. Il aime l'archéologie, mais il se moque des archéologues. Je résiste pas au plaisir de vous lire ce petit passage qui est dû à un Allemand, un aristocrate allemand, dont le nom est tellement compliqué qu'on l'appelle le prince von. Ce prince von raconte l'histoire du vieil archéologue, parce qu'il ne peut pas prononcer archéologue. Donc voilà ce que l'histoire du vieil archéologue. Devant les anciens monuments assyriens, le vieil archéologue pleure. Mais si c'est du moderne truqué, si ce n'est pas vraiment ancien, il ne pleure pas. Alors, quand on veut savoir si une pièce archéologique est vraiment ancienne, on la porte au vieil archéologue. S'il pleure, on achète la pièce archéologique pour le musée. Si ses yeux restent secs, on la renvoie au marchand et on le poursuit pour faux. Donc c'est évidemment très impertinent, parce que ça veut dire que, quelle que soit la grande science allemande ou française, et quel que soit le travail de savoir qui est accumulé, au fond, ce qui compte, c'est l'émotion, c'est l'intelligence, c'est la finesse, donc c'est le modèle du connaisseur qui reste, malgré tout, présent dans le vieil archéologue. Donc cette espèce de pied de nez à l'archéologie, parce que Proust n'aime pas l'érudition. Pour lui, l'érudition est une fuite loin de la seule recherche qui compte. Nathalie Mauriac, vous envisagez au travers de l'œuvre L'archéologie intérieure d'un narrateur archéologue ? Oui, il me semble que si Proust efface ce traité d'archéologie, c'est peut-être parce qu'il veut cacher ce rapport très intime qu'il a à l'archéologie. Non pas l'archéologie institutionnalisée, celle qui met au jour des monuments et des pièces diverses, mais une archéologie intérieure. Donc, il va écarter le modèle archéologique savant, mais il va en récupérer tout le vocabulaire, tout le lexique, toutes les images pour une recherche qui est intérieure. Et donc, c'est un archéologue de soi-même. Voilà ce qu'il écrit et qui me semble très clair. Les jours anciens recouvrent peu à peu ceux qui les ont précédés, sont eux-mêmes ensevelis sous les jours qui les suivent. Mais chaque jour ancien est resté déposé en nous-mêmes, comme dans une bibliothèque immense où il y a des plus vieux livres, un exemplaire que sans doute personne n'ira jamais demander. Notre moi, ajoute-t-il, est fait de la superposition de nos états successifs. À la recherche du temps perdu est marqué par d'incroyables refontes. Nous sommes ici au cœur de votre travail, Nathalie Mauriac. Oui, les généticiens du texte ont affaire à des documents qui sont plus ou moins classés. Alors les dactylographies, les épreuves, les placards d'imprimerie, c'est relativement aisé à classer. Les cahiers, ça ne l'est pas autant que ça pourrait l'être, puisque Proust passe d'un cahier à l'autre. Donc, il faut établir les couches de rédaction successives et puis renoncer à ce qu'on faisait autrefois, où on extrayait des fragments des cahiers, sans se préoccuper du contexte. Hein, c'est un peu comme si on fouillait un tout petit coin et puis on enlevait ce qu'il y avait là sans regarder ce qu'il y avait à côté. Or, il y a toujours des relations, même si elles ne sautent pas aux yeux, entre des éléments qui sont proches, hein, dans la tranchée de fouille, si on peut dire. Donc oui, ça m'a donné à réfléchir cette question sur la stratigraphie de la recherche. Bien sûr, tout manuscrit de travail est une stratification d'étapes, hein, et une chasse l'autre. Sauf que dans le cas de Proust, ce qui se passe et qui est très intéressant, c'est que très souvent, des textes très anciens, des manuscrits très anciens, remontent à la surface et ils récupèrent des fragments qu'il a écrits parfois 15 ou 20 ans auparavant et ils les intègrent au présent de l'écriture. Si bien que on se rend compte en fait que cette manière d'écrire qui télescope, hein, les époques, elle est aussi exprimée dans le roman à travers l'idée que le moi est lui-même travaillé par ces sortes de soulèvements géologiques. Hein. Donc notre moi est fait de la superposition de nos états successifs, mais, ajoute Proust, cette superposition n'est pas immuable comme la stratification d'une montagne. Perpétuellement, des soulèvements font affleurer à la surface des couches anciennes. Donc, le modèle géologique, vous voyez, est plus présent que le modèle, finalement, archéologique, oui. Puisqu'il y a ce caractère intempestif de ce qui survient. Alors, ce qui survient, c'est pas toujours... Ça peut être bien heureux, ça peut être euphorique, ce sont les moments de temps retrouvé, mais ça peut être aussi complètement dysphorique. Il y a parfois une image qui vient rappeler une douleur, par exemple une douleur de jalousie. Et c'est frappant de voir à quel point la jalousie est associée au vocabulaire de la fouille. Hein, on doit fouiller le jaloux est celui qui fouille son passé. Dans un cahier de brouillon, une chose qui n'est pas allée jusqu'au texte définitif, j'ai trouvé cette très belle image. Quand le jaloux trouve, à propos de celle qui l'a trompé, ces morceaux de vérité si magnifiques et passionnants, mais qui m'étouffaient comme un égyptologue à qui on montrerait soudain une statue longtemps cherchée, mais pour la précipiter sur lui et le faire étouffer par son poids. Comme s'il y avait même un imaginaire de la malédiction. Hein. Le jaloux est un égyptologue maudit. Hein. Ce modèle de la profondeur est quelque chose d'essentiel chez Proust. C'est une archéologie intérieure parce que chez Proust, il faut toujours creuser, il faut aller profond, plus profond. Une sorte de puits, en fait. Ah oui, il faut aller au plus profond. Dans un cahier, il y a une note de régie où il dit pour lui-même « C'est là que je suis allé le plus profond, je crois. » Ce qui est très touchant parce que c'est vraiment un rapport à soi-même. C'est là que je suis allé le plus profond, je crois. Donc, il y a vraiment une recherche de la profondeur. Et j'ai trouvé ce fragment de phrase que je trouve splendide quand il évoque ces dessous profonds du présent qui se laissent creuser. Ces dessous profonds du présent qui se laissent creuser. Donc, il y a une invitation vraiment à descendre dans les profondeurs du moi. Donc, le modèle de l'archéologie est vraiment complètement prégnant et fondamental. En tout cas, on est sur une œuvre réellement stratifiée et aussi stratifiée dans l'objet. On a des ratures, on a des reprises, on a des collages absolument invraisemblables. On a des collages invraisemblables. Qui font 1m60, oui, c'est ça? Oui, qui peuvent aller jusqu'à 1m60 et peut-être même plus. Ça, ce sont les fameuses paperoles que je compare à des sortes de galeries. Le flux du texte est creusé par ces espèces de galeries où tout d'un coup les choses s'enfoncent dans d'autres temps. Et puis on a aussi nos tessons à nous, c'est-à-dire qu'on a des fragments, on a des bouts, parce que Proust découpe beaucoup, il déplace, il colle, donc on a des fragments et on veut bien sûr trouver toujours d'où provient le fragment, de quel cahier. Donc on a aussi un travail de recollage et de remise en place de tout ça. Et puis une archéologie des archives est aussi probablement à faire. On se souvient de cet agenda retrouvé et vendu en 2013, mais surtout de la redécouverte de manuscrits à l'origine de la recherche du temps perdu et caché durant 70 ans. Oui, il nous manque toujours forcément un manuscrit. Hein. Il nous manquera toujours un manuscrit et il y aura toujours derrière... Le chaînon manquant. Le chaînon manquant, on ne l'aura jamais. Donc là, avec les 75 feuillets, on pense qu'on a trouvé un gros chaînon manquant, mais ce chaînon manquant fait apparaître tous les autres chaînons qu'on ne retrouvera peut-être pas, et qui n'ont d'ailleurs, certains n'ont peut-être pas existé non plus, parce qu'on imagine aussi des manuscrits qui n'existent peut-être pas. Ces 75 feuillets et autres manuscrits inédits de Proust ont bien sûr été publiés en mars 2021. Les lieux sont capitaux en archéologie. Notre projet, fouiller la chambre de Marcel Proust à la recherche d'éventuels objets, voire d'indices archéologiques. Départ donc pour le musée Carnavalet, Histoire de Paris, où nous retrouvons Anne-Laure Sol, conservatrice en chef du patrimoine. Alors nous voici dans la chambre. Oui. Comment vous la décririez? Plus que la chambre, je pense que ce qu'on a essayé de faire ici, c'est de donner l'idée d'une chambre, hein, puisqu'on n'a pas cherché à reconstituer une chambre. Et il était difficile de pouvoir donner un état d'une chambre à un moment précis, soit boulevard Haussmann, soit rue Hamelin. Puisque les meubles que vous découvrez dans cet espace sont à la fois des meubles qui appartenaient aux parents de Marcel Proust, la bibliothèque, le bureau, un certain nombre de petits éléments, les torchères qui sont posées sur la bibliothèque, appartenaient à ses parents. Et Proust ne s'est pas vraiment débarrassé, hein, et j'utilise ce mot à dessein, de l'héritage de ses parents. En tout cas, le musée possède deux éléments capitaux liés à Marcel Proust, des reliques, pourrait-on dire. Le premier, qui en dit long d'ailleurs sur sa chambre, un bout de liège. Oui, tout à fait. Alors, c'est un élément très singulier, puisque ce morceau de liège provient de la chambre de Marcel Proust, 102 boulevard Haussmann. Sa chambre donnait sur la rue, qui était à l'époque pavée, extrêmement bruyante. Et pour isoler phoniquement cette chambre, Marcel Proust a suivi, semble-t-il, le conseil de son ami Anna de Noailles, qui avait procédé à la même chose dans l'appartement qu'elle occupait, et fait recouvrir les murs de la chambre de panneaux de liège qui étaient destinés à l'isoler du bruit. Donc un de ces morceaux de liège a été sauvé. Le clou, c'est bien entendu le lit restauré et qui a livré une étrange histoire, celle d'un passé embrumé de volutes de fumée. Le lit de Marcel Proust, c'est tout un monde, puisque c'est effectivement là que l'écrivain s'est progressivement replié pour écrire à la recherche du temps perdu. Et il a mené dans ce lit, si j'ose dire, une existence extrêmement intense de créateur, bien sûr, mais c'est également l'endroit où il a soulager ses souffrances en inhalant quotidiennement de la poudre Le Gras pour lutter contre les crises d'asthme dont il était extrêmement affecté. Et au moment où ce lit au montant de laiton a été restauré, les relevés de restauration ont mis au jour un certain nombre de scories sur les montants du lit qui correspondaient à des sortes de dépôts de la poudre Le Gras, donc cette poudre à base de datura qui était inhalée par Marcel Proust au moment du réveil pour justement le soulager de son mal. Quittant le musée Carnavalet, notre dernier rendez-vous ne pouvait être qu'archéologique. C'est donc vers l'INHA que j'ai retrouvé Alain Schnapp, archéologue, spécialiste de la Crète et des ruines. À la recherche du temps perdu, Alain Schnapp, vous l'avez lu dans des conditions tout à fait particulières, les meilleures conditions pour un archéologue sur le terrain ? Absolument, j'ai eu la chance de diriger une fouille importante d'une forteresse grecque lucanienne dans la région de Velia Ellée, au sud de l'Italie. Et pendant que je dirigeais cette entreprise, j'étais un peu seul avec deux ou trois étudiants et un architecte. Un de mes délassements était de lire la recherche durant les quatre ou trois mois qu'ont duré cette fouille. Et ça a marqué pour moi la recherche d'un son tout à fait particulier, du lien entre le travail mémoriel, qui est celui de l'écrivain, et du travail de récupération de la mémoire, qui est celui de l'archéologue de terrain. Proust a traduit l'écrivain britannique John Ruskin. Cela a-t-il du sens ? Absolument. C'est-à-dire que Proust a construit une esthétique de la mémoire, qui est la mémoire des mots et la mémoire des pierres. Et il a une conscience aiguë du rapport de l'un à l'autre. Et Ruskin, avec sa manière d'envisager les cathédrales, d'envisager la tradition occidentale de la mémoire des pierres, a été une des passions de Proust, au point qu'il a traduit deux ouvrages du maître. Alors l'incipit de la recherche du temps perdu, nous l'avons évoqué avec Nathalie Mauriac, commençait par une première version évoquant la lecture d'un traité d'archéologie monumentale. Quel pourrait être ce traité ? Il y en a plusieurs visiblement. Ça pourrait être évidemment le principal des traités de l'époque qui est celui de l'antiquaire de Normandie, Arcisse de Caumont. Mais ça pourrait être aussi le travail d'un des premiers archéologues de l'école des Chartes qui s'est intéressé à ce travail. Donc Proust vivait dans un milieu cultivé, dans un milieu où il pouvait croiser des universitaires, et il n'y a pas de doute qu'il avait l'expérience de la lecture du travail archéologique, même s'il avait vis-à-vis de ce travail une critique que partagent pas mal d'écrivains de son époque et des époques successives. Le dictionnaire Marcel Proust possède une entrée archéologie. Celui-ci relate que l'archéologie est une métaphore de l'art. L'archéologue est quelqu'un qui, comme le narrateur, retrouve le temps perdu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a quelque chose de cela dans le travail de terrain, quand on arrive sur les couches et que l'on voit des vestiges apparaître. D'abord, tout est gris, la couleur ou gris-vert, la couleur des sols qui sont en quelque sorte dégradés. Et puis, on voit des formes qui apparaissent, celles, les formes des tessons, les formes des pierres, les formes des monnaies. Et tout ça, ça compose un univers que nous appelons stratigraphique, celui des couches qui se sont, en quelque sorte, déposées sur les vestiges au moment et après leur abandon. Et tout ça crée ce feuilletage qui me paraît lié à la notion de mémoire chez Proust. Mais ce qui est intéressant dans cette notion de mémoire chez Proust, c'est l'opposition qu'il nous propose entre les poètes et les philosophes et les archéologues et les archivistes. Dans un des articles non publiés qu'il avait écrit pour le Figaro, je lis « Les poètes et les philosophes nous ont dit longtemps que pour nous tous, tant que nous sommes, même pour les plus grands, notre vie était promise à l'immense oubli qui, en quelques années, dévore et abolit ce qui paraissait le plus assuré de durer dans la mémoire des hommes. Mais voici que les archéologues et les archivistes nous montrent au contraire que rien n'est oublié, rien n'est détruit, que la plus chétive circonstance de la vie, la plus éloignée de nous, est allée marquer son sillon dans les immenses catacombes du passé où l'humanité raconte sa vie heure par heure. Qu'il n'est pas un champ de Crète, d'Égypte ou d'Assyrie, où n'attendent depuis les premiers âges que viennent se soucier d'eux l'histoire. Les plus oiseux détails, les plus vains plaisirs de la vie de Thésée, d'Aménotès ou de Sargon, qui si frivoles qu'ils parurent à ceux qui n'y trouvaient qu'un divertissement, et les jugeaient sinon coupables, au moins sans intérêt, par eux-mêmes, font aujourd'hui que ce divertissement est évanoui depuis tant de siècles, la matière des plus graves travaux de nos savants. » Donc cette vision du futile, du singulier, du hasardeux, elle est liée pour Proust à la mémoire. Et donc la mémoire du poète, la mémoire de l'écrivain, elle est comme celle de l'archéologue, en quelque sorte transcendée par le feuilletage des choses et des couches qui les enserrent. À votre avis, on cherche la mémoire en tant qu'archéologue ou on cherche le passé? Ou est-ce que l'on cherche même le temps perdu? Le temps perdu est une formule extraordinairement émotive, dont Antoine Compagnon d'ailleurs a bien cerné les différentes dimensions dans un papier qu'il a consacré à ces questions. Et l'archéologue essaye de construire un discours intelligible à partir des réalités qu'il observe dans le sol. Et cette observation est garantie par la qualité du dégagement, la qualité de l'enregistrement, et la possibilité ensuite de comparer ce qui sort du sol avec ce que l'on connaît par ailleurs. Donc ce n'est pas une recherche du temps perdu, c'est une recherche des traces qui s'inscrivent dans le sol. Et la remarque de Proust est intéressante de ce point de vue-là, parce qu'il montre qu'il y a une espèce de tension dans l'archéologie, entre l'infiniment petit, l'infiniment secondaire, le petit accident, l'oubli, la perte, et la mémoire à laquelle songent les grands hommes, les architectes, ou la mémoire des catastrophes humaines. Et dans cette dialectique entre l'immensément grand et l'immensément petit, entre ce qui est de l'ordre de la structure et ce qui est de l'ordre de la conjoncture, on sent chez Proust une vision du procès de l'histoire qui est tout à fait originale. Quels pourraient être les lieux de l'archéologie proustienne? L'Égypte, rappelons que Swann se désespère qu'Odette puisse voir les pyramides. Suse en Iran, Khorsabad, capitale éphémère donc du roi d'Assyrie, le fameux Sargon II. On peut d'ailleurs penser que Marcel Proust connaît bien sûr les taureaux et les du Louvre, les Étrusques aussi. De fait, sont évoqués tous les grands sites fouillés durant la seconde moitié du XIXe siècle, Alain Schnapp ? Absolument. Il y a chez lui une curiosité pour l'histoire et pour l'archéologie en général qui fait qu'il est extrêmement bien informé et qu'il prend ses exemples aussi bien dans l'Orient que dans la tradition classique et qu'il a une vision très ample de ce qui arrive, de ce qui se produit dans la recherche archéologique. Et de ce point de vue-là, pour lui, c'est un matériau qui lui sert à composer et à donner une gravité plus forte à sa réflexion sur la mémoire et l'oubli. Parce que si les plus infimes événements de la vie peuvent s'inscrire dans le sol avec la même lisibilité que les plus grands monuments ou que les plus grandes œuvres d'art ou même que les plus terribles catastrophes, alors il y a un paradoxe de la mémoire. Et ce paradoxe de la mémoire, il ne peut être en quelque sorte rompu que par le cercle enchanté de la recherche du temps perdu. Le principal élément archéologique chez Proust, c'est la Grèce. Mais la Grèce de Marcel Proust, c'est une Grèce archaïque qui est pré-hellénistique. Oui, à travers les grandes découvertes qui vont permettre de découvrir la proto-histoire grecque, tout cela, ça a une influence. Mais il y a chez Proust cette idée que la tradition de la Grèce archaïque est en quelque sorte supérieure à celle de la Grèce classique, qu'il y a quelque chose, une ironie des commencements qui le fascine dans la Grèce archaïque. C'est bien sûr celle du roi Minos en Crète, avec les fouilles de Knossos et, c'est évident, les fouilles donc d'Arthur Evans. Les fouilles d'Arthur Evans, mais on pourrait aussi parler du choc que Schliemann a provoqué. Rappelons-nous que Schliemann était un homme d'affaires, n'était pas un archéologue, et que dans le fond, il a donné corps à l'historicité de la guerre de Troie, même si on n'est plus d'accord avec ses datations. Mais le choc a été extraordinaire, comme le sera plus tard la découverte des palais de Knossos et les reconstitutions qu'Evans entreprendra. Dans une lettre à Madame Strauss, Marcel Proust écrit « Les ruines seraient plus touchantes que leur rafistolage archéologique avec des pierres neuves qui ne nous parlent pas. Le mot est lâché, les ruines, la ruine dont vous êtes le spécialiste. » On sent cette volonté chez Proust de ne pas recouvrir la ruine d'affaîtrise, de supplément et de donner, je dirais entre guillemets, à l'authentique sa véritable place. Donc ce travail-là, c'est un travail qui s'ouvre dans la seconde moitié du XIXe siècle et se développe au XXe, avec l'idée que la restauration est aussi dangereuse que l'abandon, et que donc il ne s'agit pas de laisser s'écrouler toutes les merveilles architecturales du passé, mais de trouver des éléments de doctrine et des éléments intellectuels et matériels qui vont permettre à la fois de maintenir ou de ralentir la dégradation des ruines, parce qu'elles sont destinées à disparaître, et de ne pas affecter leur substance. Mais l'idée qu'une belle ruine est plus parlante qu'un monument restauré, on la trouve déjà au XVIIIe siècle. Alain Schnapp, Marcel Proust et sa recherche du temps perdu peuvent-ils être utiles pour l'archéologue ? Ils ne sont pas utiles pour l'archéologue au sens qu'ils vont permettre à l'archéologue de restituer ou de justifier ses restitutions. Mais l'œuvre est utile, comme je dirais ou Freud ou comme un grand texte de Chateaubriand, parce qu'elle place la question de la mémoire au cœur de la condition humaine. Nous n'existons que parce que nous sommes capables d'être porteurs de la mémoire. Sinon, nous ne pouvons pas entendre ce que nous sommes. C'était déjà ce que disait saint Augustin. Mais cette apologie pour la mémoire, elle traverse toutes les sciences historiques et elle est particulièrement lisible à un moment au XIXe siècle où l'archéologie se transforme profondément et devient, en quelque sorte, une science des objets. Un grand merci à Nathalie Mauriac, Anne Lorsol et Alain Schnapp, mais aussi aux chercheurs et amis du Collège de France, du CNRS, de l'INRAP et de l'Université de Cambridge. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Julien Douminc et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. Mais aussi une importante documentation sur Proust et l'archéologie sur la page de l'émission.